pour la beauté d'un silence. Et parfois, ça s'amène. Je gère, j'avance dans un sens ou en arrière. J'ai un simple raison, raison, au fil des sentiments. Le rasoir au bord du vide, la corde s'est pendue à mon drame. Je erre dans l'ignorance, j'emmerde ma violence. Message et des douleurs, me messager sans détresse. Au milieu de tes mystères qui envahissent mes idées claires, amère. Mais je n'y vois qu'un sous-entendu désert. L'échec te tape sur le dos, te sournois, cinglant. Il te rappelle ce qu'est être. Tu erres. Grouille autour de toi, les chercheurs d'espoir. Emmène-les loin des sens et des choix. Sans des yeux, sans ce, des que, yeux, tu ce que tu touches. Il est l'heure de sonner la décharge. Avant un coup de grâce. Le flot de ta renouveau est arrêté. Nous étions prêts à exploser. Mais il de ta couleur. Mais il de ta rancœur. Allez, mange-moi dans la main. Mange ce qu'il me reste d'honneur. Tu pourras toujours me la sauver. Juste essayer. J'en ai bien peur. Où j'ai chaud dans son dos autour des eaux. Et envers son reste, on va dire son reste. Et reste, des falaises de l'oubli. À moitié mort, sans pitié. Achevons-les. Les parfums s'évaporent dans une danse sans la sueur. La boîte à mystère est refermée.